que je me réveille. Ah, ouh, ouh. J'ouvre les rideaux pour faire entrer le soleil. Ah, je m'étire sur le bord de la fenêtre. Ah, ouh, ouh. Je fais mes pompes allongées sur la moquette. C'est une belle journée qui commence, pas un nuage dans le ciel. J'entends déjà les cigales qui chantent le soleil. Je petit-déj sur la terrasse tranquille. Ah, ouh, ouh. Une envie d'écrire des chansons futiles. Ah, des mélodies qui me passent par la tête. Ah, ouh, ouh. Si j'en ai l'âme, je ne suis pas poète. C'est une belle journée qui commence, pas un nuage dans le ciel. J'entends déjà les cigales qui chantent le soleil. J'entends déjà les cigales qui chantent le soleil.